Salut Vodange. Vodange, salut à toi. Vodange, salut à toi. Tu m'entends? À plus tard, Zouzou. Ciao, ciao. Merci à toi. J'étais sur Ninja, mais je ne voyais pas. Le 2056, il n'existe pas. Salut Anel, re à toi. Anel, salut à toi. T'es là, Youn, t'es parti. Tu m'entends, Anel? M'entends-tu? Ah ben, salut à toi. Je suis en train de tester un truc avec le mic. Salut Sharon, salut à toi, tu m'entends? Ouais, je suis sur deux chats en même temps en fait. Ah, désolé. C'est pas moi qui joue, c'est un pianiste. Transistor, hello. Thank you. Sur un site pour jouer à plusieurs, mais là je suis pas accordé, je suis accordé comme toi en fait, je fais qu'il faut que je me remette en 440. Sharon. Bon, est-ce qu'on m'entend ou pas? Merci de dire si on m'entend. pas les accords. Je suis en train de deviner les accords, Sharon. C'est un D mineur. Un Ré mineur. Espagnole, une Admira, je sais pas si tu connais. Mais elle a un trou d'ailleurs. Fissurée en fait, je veux dire en bas de la caisse. Elle est fissurée ici. Hein. Tu vois? Elle est fissurée ici. Hein. Si, mais j'ai la flemme. Ouais, sonne, mais quand je joue. Sur les frettes, sur la 12e frette, 12, 13e frette, ça sonne pas terrible. Ça sonne pas correct en fait.